explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Ils ne devaient pas être nombreux à croire au projet quand il y a un peu plus de 20 ans, une poignée de passionnés s'est lancée dans la construction d'un château fort dans les conditions d'un chantier du XIIIe siècle. Sans électricité, sans engins mécaniques, avec des matériaux et des techniques du Moyen-Âge. Aujourd'hui, les sceptiques se sont tus. Au creux de la forêt de Guédelon, en Bourgogne, à une trentaine de kilomètres d'Auxerre, on peut admirer et mesurer le travail déjà réalisé. Une chapelle, des remparts et plusieurs tours ont été édifiés sur le chantier. On croise des bûcherons, des forgerons, des tailleurs de pierre, des charpentiers, des maçons, des tuiliers ou encore des vanniers. La construction de ce château fort est une formidable aventure pour laquelle le grand public et les archéologues se passionnent depuis maintenant plus de 20 ans. Cet après-midi, nous partons bivouaquer dans la forêt de Guédelon sur le chantier de son château fort. C'est beau, hein ? Très beau. Vous comptez nous racheter le château à bon prix ? Non. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Autour de la table, Anne Beau, archéologue à l'université Lyon 2, Florian Rinucci, maître d'œuvre du chantier de Guédelon, et Marilyn Martin, cofondatrice de Guédelon. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Vous allez donc nous raconter cette aventure unique au monde, entreprise il y a un peu plus de 20 ans, de la construction d'un château médiéval avec les techniques et les matériaux du Moyen-Âge. Un chantier qui est ouvert à la visite et qui connaît un grand succès auprès du grand public. Et les auditeurs peuvent d'ores et déjà vous adresser une question sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. À 17h, nous reviendrons sur la mythique expédition maritime de la Boussole et de l'Astrolabe emmenée par le comte de La Pérouse. Voilà pour les découvertes du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued. Pour avoir votre prénom, est-ce que vous Je m'appelle Romain. Alors moi ici, je suis guide. Il m'arrive de frapper la monnaie dans la cour du château et différentes missions, un peu comme aujourd'hui, où je coupe du bois et je fends le bois. Et alors qu'est-ce qui va devenir ce bois ? Vous allez en faire quoi ? Alors il va alimenter les nombreuses cheminées, les nombreux foyers du château, de la grange aussi qui accueille les visiteurs où on fait un feu tous les matins. Le boulanger, le talmelier, a besoin de bois aussi pour cuire son pain. Je suis un peu essoufflé, hein, excusez-moi, c'est de fendre le bois. Et on a également la teinturière qui utilise du bois pour faire ses réductions. La cordelière, enfin chaque corps de métier quasiment a besoin de feu. Donc du bois il en faut et rien ne se perd. Tout se transforme. Donc voilà pourquoi il nous en faut énormément. Romain, bûcheron occasionnel sur le chantier de Guédelon, où le bois est indispensable à bien des artisans à l'œuvre. Alors il faut que nous plantions le décor. Hein. Où en est la construction de ce château ? À quoi ressemble-t-il aujourd'hui, Marilyn Martin ? Écoutez, ce château, dans cette magnifique forêt de Guédelon, puisque vous savez que le nom vient du nom de la forêt, Guédelon, ce château est dans cet écrin de forêt, et bel et bien construit, puisque on a cette tour bien avancée, pas terminée. On est en train de travailler cette année sur la porte entre deux tours, celle qui recevra cet objet incroyable du Moyen-Âge qu'est la herse. Et puis on travaille aussi, nos couvreurs sont en train de poser les lattes et à partir, je crois, de demain, vont commencer à poser les premières tuiles. Les tuiles produites par notre tuilier en ramassant la glaise, la malaxant et les cuisant dans nos fours. Donc voilà, c'est cette fourmilière depuis 20 ans. Des remparts hein, déjà construits, une chapelle également qui est là déjà son toit avec ses tuiles. Ah oui, si on rentre dans les détails, on a des murs d'escarpe, des murs et des courtines avec leurs merlons, etc. On a les chemins de ronde, on a véritablement des pièces, la grande pièce du château, la hola, on a le cellier, on a la cuisine, on a des chambres. Non, c'est vrai. Ouais. C'est pas une ébauche de château. Il est déjà bien construit. Vu du ciel, c'est déjà bien un château. Hein. Florian Rinucci, le maître d'œuvre du chantier, quels autres éléments vont venir compléter ce tableau qui est déjà bien dessiné ? Alors pour construire, on s'est donné un contexte, parce qu'on ne construit pas n'importe quel château, la construction évolue, donc on est au XIIIe siècle, et plus précisément, on fait démarrer la construction en 1229. On est à l'époque de la régence de Blanche de Castille, le roi de France, Louis IX, futur Saint-Louis, n'a que 15 ans. Et pour nous, ça correspond à l'année d'ouverture du chantier au public, en 1998. Mmh. Et à chaque fois qu'on prend un an en réalité, on prend un an dans notre histoire vraisemblable. Donc on construit un château, là, ça fait déjà 21 ans. Cette année, on est en 1250. Voilà, c'est les 20 premières années du règne de Louis IX. Et évidemment, on a des magnifiques modèles qui nous permettent de construire des modèles royaux d'abord, celui de son grand-père, de Philippe Auguste, qui a construit le Louvre dans les années 1200, et puis surtout Dourdan. Dourdan est resté en élévation, parce que le Louvre, quand vous le visitez sous la pyramide, on n'en voit que les fondations. Mmh. Il y a aussi des châteaux qui vont adopter ce style, donc de quadrilatère avec des quatre tours aux angles, et avec des tours à archères, des chemins de ronde crénelés, et avec des tours maîtresses mises dans un angle. En fait, ça va devenir quasiment une manière de se rattacher à l'architecture capétienne dans ces années-là. C'est intéressant, hein, Marilyn Martin, parce qu'effectivement, avant de commencer à construire ce château, vous avez voulu l'ancrer dans un contexte historique. Il ne s'agit pas de reconstruire un château qui a existé un jour, mais il s'agit de construire un château qui aurait pu exister au XIIIe siècle. Alors, vous avez imaginé qu'un seigneur de Guédelon, vous lui avez imaginé une histoire à ce seigneur, vous lui avez imaginé une position sociale pour que ce château ait une réalité, quelque chose de concrètement possible. Oui, parce que sinon on pouvait partir dans quelque chose de complètement anachronique et une grosse tarte à la crème, on serait fait plaisir, on aurait voulu faire toutes les situations complexes de l'architecture médiévale et on serait passé à côté du projet. Donc il fallait absolument dresser le portrait de ce commanditaire, savoir qu'il était dans cette forêt de Puisé. Vous savez, cette région de Puisé est très humide, ce qui veut dire qu'on y, jusqu'au 19e siècle, on y envoyait des tombereaux que 2 mois par an parce que beaucoup trop d'argile, beaucoup trop de chemins creux, beaucoup trop d'humidité. Donc vous faites pas les mêmes projets quand vous êtes en forêt, dans une zone humide, que en haut d'une montagne, etc. Donc il fallait aussi savoir qui avait donné l'autorisation à ce châtelain de construire son château, quel était son corps de garde, quelle était sa famille, pour qu'il n'y ait pas d'anachronisme et que... Et ça m'est arrivé d'ailleurs d'avoir des rendez-vous avec le comité scientifique qui me disait, il faut que tu t'appropries ce château, il faut que tu nous dises ce que tu souhaites voir, comment on va habiter ce château. Et donc ce qui m'a valu, on est parti sur des terrains qui sont rigolos, comme celui d'avoir des pigeons voyageurs sur une tour, donc il fallait vraiment qu'on ne soit pas sur un projet intellectuel, il fallait qu'on soit sur un projet habité. Ouais. Et ça, c'était passionnant. Ancré dans la réalité historique. Alors ce seigneur de Guédelon, l'histoire a voulu que vous appreniez qu'en fait il a vraiment existé, sans que vous le sachiez. Finalement, il y a vraiment eu un seigneur dans cette... Je prends Florian à témoin. C'est que cet hiver, on était en train de travailler, on a une érudite locale qu'on adore, qui s'appelle Alice Devinck, et cette chère Alice nous a envoyé un mail en nous disant, écoutez, j'ai retrouvé l'existence du châtelain de Guédelon, du seigneur de Guédelon. On a perdu sa trace à la guerre de 100 ans, mais il a bel et bien existé. Ouais. Et là, c'est fabuleux. Ben oui. J'entendais Star Trek tout à l'heure. On a vraiment l'impression qu'on a versé l'histoire. Ouais, c'est qu'on a recréé l'histoire. On n'a jamais imaginé qu'en posant ce château sur le carreau d'une carrière abandonnée, on allait mettre nos traces dans celles d'un seigneur qui avait existé. Dont le nom avait été oublié par l'histoire et tout finalement revient. Et il se trouve qu'on n'a pas encore eu le temps d'aller aux archives pour en savoir plus, mais a priori il y a eu un seigneur de Guédelon. Mais c'est intriguant. Mais comment est venue cette idée déjà de construire ce château à la façon dont on le faisait au Moyen-Âge et ici dans la forêt de Guédelon? D'où part l'idée, d'où part l'histoire? L'idée part en fait, c'est Michel Guyot, le propriétaire du château de Saint-Fargeau, qui est, donc, le château de Saint-Fargeau, c'est le château d'Anne-Marie de Montpensier, cousine de Louis XIV. C'est un château de briques. Et en fait, deux castellologues et historiens de l'art, Nicolas Fauchère et Christian Corhuizier, font une étude, la rendent à Michel Guyot, je suis là, et là, on soulève le château de briques, et dessous, il y a un château du XIIIe siècle. L'étude avait un très joli nom, elle s'appelait Révélation d'un château englouti. Mmh. Et là, il y a un château qui émerge, c'est le château. Ouais. Et là, on se dit immédiatement, tous les quatre, on reconstruit le Saint-Fargeau englouti. Et de fil en aiguille, on va changer de terrain, on va trouver cette très belle, cet écrin de forêt de Guédelon, ce nom de la forêt de Guédelon, cette réserve de pierres, d'argile, de sable pour construire. Et donc, on commence une nouvelle aventure qui est celle du château de Guédelon, qui n'a plus rien à voir avec le château, à part la période historique. Donc, c'était ce château englouti, pas très loin dans la région, qui avait été recouvert par un château plus récent, qui a mis le feu à votre imagination et qui vous a donné l'idée d'en reconstruire un pour demain. Complètement, mais j'aurais envie de dire aussi qu'il y a des rencontres. Il y a les eaux-fortes de Victor Hugo, il y a le côté aussi complètement romantique de la ruine médiévale, il y a quelque chose de très fort. Et cette période du XIIIe siècle, de la première moitié du XIIIe siècle, c'est des châteaux qui sont à la fois forts et très délicats. On n'est pas sur pour nous, on a moins d'affinité avec les châteaux qui arriveront après que cette période qui est d'une richesse incroyable. Alors Anne Beau, pour vous qui êtes archéologue, ce projet est une mine d'informations. C'est-à-dire qu'au départ, on est venu chercher les scientifiques pour leur demander leur avis. Bah alors à votre avis, comment ils s'y prenaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Maintenant, les rôles se sont un peu inversés. Là, vous les voyez à l'œuvre, vous êtes en train d'assister à ce que vos fouilles ne pouvaient pas forcément vous dire. Comment on fait vraiment quand on construit un château fort? Ben, vous venez de donner la conclusion, en fait. Je ne sais pas ce qu'il faut rajouter. Mais c'est comme ça, vraiment, vous l'avez vécu? Eh ben, oui. Vous avez l'impression de faire un voyage dans le temps quand vous allez assister au chantier de Guédelon? Ah oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que ça fait 21 ans que je suis dans cette aventure. Alors, quand on vient, effectivement, on a donné quelques petits conseils, on va dire, par rapport à ce qu'on avait vu, ce que j'ai étudié, moi, sur des murs, ce qu'on appelle l'archéologie du bâti, c'est-à-dire déconstruire mentalement un bâtiment pour essayer de le restituer. Mais on le restitue virtuellement, bien sûr, puisqu'il n'est pas question de reconstruire les choses. Et Guédelon, ça a été l'opportunité merveilleuse, magnifique, de pouvoir voir s'accomplir et de participer, en fait, à ce projet et de valider des hypothèses ou, au contraire, de venir... dire « Ah non, c'est pas ce que tu pensais ». C'est un peu le principe de la reconstitution en justice, hein, par exemple. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus dans la théorie, on se met à faire les choses telles qu'on imagine qu'elles ont pu se faire, on se rend compte qu'il y a des incohérences, des impossibilités, et ça fait avancer un peu les plus que la justice, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu, de plus. C'est un peu l'idée. C'est une reconstitution historique, reconstitution. Oui, je sais pas si j'aurais eu donné cette comparaison, mais c'est vrai que c'est une reconstitution, mais plus qu'une reconstitution, parce que reconstitution, on tombe tout de suite dans le virtuel. Alors, le virtuel, ça prend de la place aujourd'hui, c'est bien, hein, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Mais là, on est dans la vie réelle, on est dans du vrai, dans du vécu. Donc, c'est complètement différent. Et forcément, on est confronté chaque fois à quelque chose de différent. C'est très, très concret, hein, c'est pragmatique, hein. Ah, ben, les échafaudages, je pensais qu'on les construisait comme ça. Ah, ben, j'ai eu raison. Ah, ben, non, là, je me suis trompé. Ah, ben, voilà. Ah, pourquoi c'est ça? Vous voyez, c'est très, très pragmatique. Nous partons bivouaquer sur le chantier du château médiéval de Guédelon. Cet après-midi, nous allons découvrir comment les différents corps de métier travaillent pour construire ce château avec les techniques et les matériaux du Moyen-Âge. Et pour envoyer une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Turned down his advances and played hard to get. He wouldn't have let this bother him, this I know, because where there's life, there's hope. Oh, baby, don't go away. Rome wasn't built in a day, c'était Sam Cooke sur France Inter, le temps d'un bivouac. Alors la pierre que je suis en train de travailler, c'est un morceau de calcaire, du calcaire de Donzy, et on va faire dedans un morceau de la voûte de la chapelle. Alors les outils qu'on utilise, en fait, on les a sélectionnés suivant qu'ils sont ou pas apparus au cours de l'histoire. La majeure partie sont inventés depuis très très très longtemps. Alors l'outillage que j'utilise, il est tout simple, une massette, la famille des ciseaux, donc avec un tranchant. On va avoir la chasse pour enlever de gros morceaux. On va avoir la famille des outils pointus, les broches, etc. Et puis la famille des taillants. Alors celui-là, il a des grosses dents, donc c'est pour faire la finition. On va se servir des plus gros outils pour faire la finition. Clément Guérard, tailleur de pierre, en plein travail sur le chantier de construction du château médiéval de Guédelon. Florian Renucci, qui sont les gens qui participent à la construction du château depuis maintenant plus de 20 ans, 21 ans, vous nous avez dit. Qui sont-ils? Combien sont-ils? C'est des passionnés. C'est des passionnés avec, pour la plupart, des professionnels, des métiers de taille de pierre, de charpente. Mais ce qui est important, c'est l'équipe qui a été constituée et qui a cherché ensemble comment venir aux origines de ces métiers du bâtiment. Comment est-ce que, avec nos petites mains et avec de l'outillage rudimentaire, puisqu'on reproduit à Guédelon, le cadre technique du XIIIe siècle, donc ouais, pas de machine, rien d'électrique, on va transformer les matériaux qui apparaissent au pied du château. Les 15 hectares en fait du site nous donnent la totalité des matériaux de construction. Le grès ferrugineux, qui est vraiment la pierre qu'on a à pied d'œuvre. Et d'ailleurs, en creusant pour obtenir cette pierre, on va créer l'environnement du château, on crée les fossés. Donc c'est un jeu de vases communicants. Mais on a le sable, on a la glaise, on a tout le bois sur le site du chêne, bien évidemment, mais aussi glaise. Les ocres, en fait, on a appris en 20 ans à transformer des matériaux naturels, un écosystème en matériaux de construction, dont le point d'arrivée, c'est ce monument collectif qu'est le château. Marilyn Martin, vous aviez conscience, en choisissant avec quelques autres ce site pour construire le château de Guédelon, qu'il y aurait autant de ressources à utiliser à proximité pour bâtir le château? Quand j'ai découvert le site... j'ai vu le bois, j'ai vu la terre, j'ai vu l'espace, on va dire pierre, argile, etc. Ce que j'avais pas estimé. Une anecdote toute bête. J'ai fait passer sur le site, avant même qu'on sache où on allait implanter le château, deux sourciers, deux vieux monsieur. Le premier et le deuxième est venu confirmer le premier parce qu'on était quand même. Et les deux nous ont trouvé une réserve d'eau qui descend à 6 mètres de profondeur, c'est-à-dire très peu profond, qui est maintenant le puits du château de Guédelon, c'est-à-dire qui n'a jamais été à sec. Donc, si vous voulez, cet espace naturel, moi, mon obsession, c'est de savoir si ailleurs, c'est pareil. Parce que, Florian, vous parlez des matériaux, mais ça va jusqu'à la pierre la plus ferreuse qui nous permet de faire nos outils, notre métal. Ça va par... On a les 15 couleurs. Ça, c'est un truc que... J'ai attendu 10 ans avant qu'on monte notre atelier des couleurs. J'avais bien vu qu'il y avait de l'ocre sur la pierre, j'avais bien vu qu'il y avait de l'hématite à certains endroits. Mais vous imaginez qu'on a... 15 couleurs sur ce même site qui fait pas plus de 15 hectares. Mmh. On a 15 couleurs qui correspondent aux 15 couleurs des peintures murales du XIIIe siècle de la petite église de Moutiers qui est à côté de chez nous. Alors, on aura l'occasion d'y revenir aux couleurs et on va se rendre compte d'ailleurs que le Moyen-Âge est loin d'être en noir et blanc pour ces châteaux. Mais vous parliez aussi de ces outils parce que effectivement, non seulement vous utilisez des matériaux et des techniques de construction du XIIIe siècle, mais les outils sont fabriqués eux-mêmes avec des techniques du Moyen-Âge et du XIIIe siècle. Donc pour tout ce qui est en métal, ces outils que vous utilisez sont forgés avec la forge, comme on travaillait à l'époque. Le but du jeu, ça va être de monter aux alentours de 1300 degrés pour faire réduire l'oxyde de fer, c'est-à-dire passer de l'oxyde de fer à une boule spongieuse d'acier. Comme au Moyen-Âge, les forgerons utilisent le charbon de bois comme combustible. Le carbone participe à la transformation du minerai de fer. On remplit de charbon de bois, on met notre minerai et on met éventuellement un peu de cendre pour qui va agir comme un fondant et ça va nous permettre de rendre la pierre liquide plus facilement. Avant l'invention du thermomètre, les forgerons surveillaient de près la couleur du métal, qui varie en fonction de la température. Donc là, je ne sais pas si on les distingue bien, mais on a des étincelles, on a les escarbilles du charbon de bois, donc les étincelles qui sont faites par le charbon, mais au milieu, on a aussi des étincelles qui viennent du minerai de fer, enfin de, donc du fer qui doit être à température... Nous, on parle de blanc soudain, quand on arrive aux températures où le métal commence à faire des étincelles. On est approximativement à la bonne température pour notre réduction de minerai. Et voici donc à l'œuvre le forgeron Martin Claudel. Alors il travaille vraiment comme il y a 7 siècles, ce forgeron dans sa forge avec des fours construits comme à l'époque. Évidemment pas de thermomètre pour évaluer la température qu'il essaye d'atteindre. Oui, ça c'est l'aventure de toutes nos cuissons, que ce soit la production de chaux, la production de métal, la production de tuiles ou de carreaux de pavement. Si vous voulez, ce qu'il a fallu réapprendre, c'est à pas considérer à chaque fois qu'on a voulu être purement scientifique. Appliquer une recette, on s'est cassé le nez comme. Oui. Par contre, il a fallu qu'on fasse appel. Donc, ça nous est arrivé d'aller dans le fin fond du Morvan pour voir des gens cuire des tuiles, des carreaux de pavement, même s'ils n'étaient pas comme au Moyen Âge. Ils nous montraient la couleur de la flamme, ils nous montraient le carbone qui se dégageait, et on a appris, si vous voulez, à exactement comme Martin le dit, c'est-à-dire que soit c'est la couleur du métal qui nous permet de savoir qu'on est monté en température, soit durant certaines cuissons c'est la couleur des fumées, l'évolution de. Et donc, il y a quelque chose de très ressenti, et on est encore dans quelque chose où on apprend chaque jour, et d'un seul coup, on sait que la cuisson va être juste parce que la montée en température s'est fait harmonieusement, de couleur en couleur ou d'ambiance en ambiance. Avec des outils qui allient l'acier et le fer, c'est un véritable travail d'orfèvre qu'il fait ce forgeron, où il arrive à mêler différents types de métaux pour avoir des outils les plus solides et les plus adaptés qui soient. Oui, parce que très souvent, les outils tranchants sont faits de différents métaux, dont souvent une lame d'acier au centre, et ce qui permet à ces outils de s'auto-affûter. Je connais, enfin, dans les charpentiers qui travaillent avec les doloirs chez nous, ils affûtent jamais leurs outils, les outils s'auto-affûtent en travaillant. Ouais. Florian Renucci, vous qui avez encadré, hein, vous êtes le maître d'œuvre de ce chantier, les outils sont-ils de bonne qualité? Est-ce qu'ils se cassent rapidement? Est-ce que finalement, ils sont parfois plus solides que ceux qu'on aurait pu trouver au magasin de bricolage du coin? Vous savez, un outil comme une broche qui est percutée près de 10 000 fois par jour par un tailleur de pierre, il faut qu'il ait la bonne trempe, parfois en adéquation avec la dureté de la pierre qu'on va recevoir. Et ce qui est passionnant, c'est que quand on reproduit un objet ancien, un objet qu'on peut trouver en archéologie, pour arriver à le reproduire, il faut trouver quasiment les réflexes sensoriels qu'avaient les gens il y a 8 siècles auparavant. Ouais. Donc ce ne sont pas des choses qu'on lit dans un manuel qu'on va trouver sur Google, il n'y a pas de recette. C'est tout simplement en étant empirique, en recherchant, en gardant ce qui fonctionne, en écartant ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, c'est reproduire et construire pour comprendre, c'est se refaire quasiment une culture ethnologique qui a disparu aujourd'hui. Alors, des métiers du bâtiment. Qui a disparu jusqu'à quel point, Anne Beau, de quels éléments disposent les archéologues sur cette période, justement, sur les outils que l'on utilisait, sur les savoir-faire que l'on possédait? Alors, par exemple, pour le château de Guélon du XIIIe siècle, évidemment, les fouilles vont mettre au jour hein, différents éléments. Alors, il peut, bien sûr, y avoir des révélations d'outils, de matériaux, mais c'est une question d'approche. Je dirais, bien sûr, on trouve des objets. Ensuite, et c'est l'intérêt de Guélon, hein, d'un point de vue expérimental, d'archéologie expérimentale, c'est de mettre en action ces outils. Quand on trouve un objet, on dit c'est bien, ça servit à ça, c'est utile. Ah ben tiens, ils avaient cette forme, ils étaient en tel matériau. On est toujours sûr de à quoi ça a servi quand on trouve un objet. Ah non, ouais, bien sûr, ça. Non, il faut chercher. Ensuite, par des comparaisons. Ensuite, il y a des spécialistes qui sont c'est un travail collectif. L'archéologie, c'est un travail d'équipe, c'est pas un travail individuel. C'est un peu comme à Guélon, en fait, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est pareil. Donc à ce moment-là, on sait à peu près à quoi sert cet objet. On va faire des recherches, quelle époque, mais il manque. Vous voyez, il manque le fait, il manque la construction. Ouais. Et c'est ça qu'apporte Guédelon. Ouais, c'est ça, mettre de la vie dans tous ces objets que l'on trouvait inanimés 7 siècles après avoir été Oui, de la vie et de l'histoire. De la vie et de l'histoire. Que la formule est jolie. Alors, il n'y a aucune mécanisation, c'est-à-dire que pour soulever les pierres lourdes, pour édifier ces tours, vous n'avez évidemment pas fait appel à des grues de chantier actuelles. Comment vous vous y êtes pris, Florian Renucci ? Eh bien, on utilise des cages écureuils qui sont des... Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est des grues en bois que l'on va avoir représentées sur... Des dizaines d'enluminures donc qui témoignent de l'utilisation de ces engins, mais il y a aussi en archéologie on en trouve dans physiquement encore existantes du 14e ou du 15e dans des charpentes de cathédrales comme à Soissons ou Strasbourg, et ce sont en fait c'est un tambour, c'est une roue dans laquelle faut imaginer une roue à hamster géante, hein, voilà, si on veut visualiser quelque chose. On marche, ça enroule une corde, et le bras de levier fait entre l'axe de la roue et l'endroit où on marche va faire s'enrouler une corde avec de la puissance qui, reliée à une poulie, peut soulever un seul homme. Sur une seule roue, peut soulever à peu près 350-400 kilos. Si on met deux roues, la puissance est multipliée. Et par exemple, actuellement, on travaille à Guédelon sur la porte entre deux tours. On a une cage écureuil, il y a deux tambours. On soulève 500 kilos à chaque levée et deux personnes marchent. Mais tous les gens qui travaillent, tous les ouvriers sur ce chantier, ils sont bénévoles, ils sont rémunérés. Comment ça s'organise tout ça, Marilyn? Alors, Martin Non. Les ouvriers de Guédelon, comme le disait Florian, déjà, ce sont des professionnels. D'ailleurs, et je crois qu'il y a une vingtaine de métiers représentés sur le chantier. Il y a des métiers qu'il a fallu réapprendre, mais il y a des métiers archi connus comme la taille de pierre, la maçonnerie, la charpente, la forge. Il a fallu apprendre à refaire des cordes aussi, des cordeliers. Cordier, tuilier, coloriste, teinturier, etc. Mais ce sont des professionnels salariés. Donc on est une entreprise aussi du 21e siècle avec une centaine de salariés tout compris. Sur le chantier, c'est à peu près une soixantaine de personnes qui œuvrent à la construction du château. Et puis parallèlement à ça, viennent s'inscrire ce qu'on appelle nous les bâtisseurs. C'est des gens qui viennent passer 5 jours, qui viennent participer à notre aventure pendant 5 jours avec un cahier des charges assez strict. Et c'est des gens qui pourraient, pour certains, je crois que Florian dit, c'est à peu près 50% des gens qui viennent et qui reviendront. Et puis 50% des gens qui viennent, comme ils iraient faire, je sais pas, un stage de poterie, de rafting. Et quand on voit les images, ils sont tous habillés en tenue d'époque. Est-ce que ça, c'est pour les images sur les films, ou est-ce que ils sont vraiment tous tout le temps habillés en tenue d'époque? Au démarrage du projet, on s'est dit qu'il fallait donner un ton. Ouais. Il fallait qu'on évite le fluo, les chaussures de marque. Les tennis, les choses comme ça. Et il fallait qu'on donne un ton. Donc, si vous voulez, quand on dit habillé comme à l'époque, on donne le ton par un pantalon de couleur neutre. On a quand même nos chaussures de sécurité. Et puis, ce que nous, on appelle une biode, c'est une blouse. Ou pour les filles, des robes, je veux dire, dans lesquelles on est bien, parce que nous, on travaille toute la journée, donc il faut qu'on s'y sente bien. Donc voilà, c'est juste de donner un ton. Finalement, la seule concession que vous ayez faite aux techniques employées, c'est, vous l'avez dit, pour se protéger. C'est-à-dire s'il faut mettre des lunettes pour les bouchons d'oreilles pour les forgerons, etc. Pour les sons aigus qui peuvent... Il ne s'agit pas, vous savez, cette aventure est tellement belle qu'il ne s'agit pas de blesser ou s'abîmer au fil du temps. Ou de retomber, effectivement, dans une façon de travailler. Oui, on n'est pas au Moyen-Âge. Oui, c'est pas non plus. Alors, au fur et à mesure que le projet avance, vous avez à répondre à de nouvelles questions. Par exemple, il y a des ouvertures de fenêtres et vous vous êtes demandé, mais qu'est-ce que l'on pourrait mettre dans ces fenêtres? D'ailleurs, comme c'est ouvert au grand public, au bout d'un moment, les gens vous disent, mais il y a toutes ces fenêtres grandes ouvertes, il n'y avait peut-être pas de vitres au Moyen-Âge. Vous, qu'est-ce que vous allez mettre pour laisser passer la lumière, mais en même temps pouvoir isoler l'intérieur de l'extérieur? Comment vous avez répondu? Alors là, vous nous mettez sur un dossier qui nous passionne tous les trois. Alors, allons-y. C'est que si vous voulez, c'est qu'on est parti des questions que les visiteurs nous posaient le plus souvent. Et les visiteurs, à la sortie de nos visites guidées, nous disaient, mais comment est-ce qu'on obture une baie, une fenêtre dans un château comme celui-là, d'un petit commanditaire au fin fond de la puisée, etc. On sait que ce commanditaire aura pas les moyens de s'offrir du verre. Le verre est très cher, etc. Et donc là, on s'est rapproché et c'est Anne qui a organisé un tour de table avec Florian, d'historien, d'archéologue, de scientifique, pour savoir comment est-ce qu'on pouvait obturer une baie. Et là, j'ai envie de lui passer la parole. Alors, expliquez-nous comment vous avez réglé, ou en tout cas, trouvé une solution à ce problème. Alors, apporter des éléments de réponse, voilà, on va dire plus exactement. Eh bien, en fait, effectivement, Laurent, comme disait Marilyn, on a fait un tour de une table ronde et on a regardé un petit peu dans les textes et surtout dans l'iconographie que nous présentent les enluminures surtout les enluminures, les miniatures. Voilà, ce qui se présente. Et on a plusieurs solutions. Alors, le verre est effectivement rarement utilisé, mais il l'est quand même. Par exemple, pour la chapelle, on peut mettre des vitraux, pour une pièce qu'on veut particulièrement belle. Sinon, il y a tous les parchemins, les pots huilés, les volets ajourés. Et donc, on a tout un panel, en fait, d'éléments qui nous permettent de donner des réponses. Mmh. Alors maintenant, à Guédelon, on va choisir comment on va fermer les baies en fonction des lieux qui sont occupés. Est-ce que c'est là ou là? Est-ce que c'est la chapelle? Est-ce que c'est... Mmh. Alors, il y a eu une première expérimentation. Le résultat est assez probant, Florian Renucci. Eh bien, on a travaillé sur un cuir parcheminé tendu. On était surpris de voir qu'en le huilant, on obtenait quelque chose, non pas de transparent, mais de translucide. Donc on a une belle lumière qui vient éclairer la salle, qui vient se diffuser dans la salle, mais en même temps on se rend compte que à travers ce genre de procédé, on ne voit pas dehors, et c'est tout à fait particulier parce que on n'est pas habitué dans une culture occidentale d'avoir des châteaux du 12e, 13e, ouais, voire 14e siècle où on voit pas forcément dehors. C'est la culture quasiment orientale, japonaise, chinoise, où ils vont connaître le verre très très tard, au 19e siècle. Donc on est dans ce rapport où, quand on met une peau, on verra ce que va donner un drap de lin enduit de cire, mais la lumière est plutôt quelque chose de diffusé et pas transparent. Et ben, ça donne une nouvelle perception de l'espace intérieur et des châteaux, et c'est un petit scoop quand même, parce que dans tous les monuments historiques, oui, de France ou d'ailleurs, on n'est pas dans des restaurations qui vont rechercher quelles étaient les fenêtres de l'époque. Mais alors, Anne Beau, il est vraisemblable que c'était le cas pour la plupart de ces châteaux forts du Moyen-Âge, en tout cas châteaux forts par royaux, qui n'étaient pas forcément avec une fortune infinie pour les construire, oui, qu'on avait ces fenêtres un peu translucides qui donnaient une ambiance tout à fait cotonneuse aux intérieurs. Ah oui, très certainement, mais je pense que même certains châteaux, même assez fortuné, si vous voulez, hein, c'est pas des châteaux pauvres, c'est une façon justement d'obturer les baies, et je pense qu'il faut aussi envisager ça par saison. C'est-à-dire l'hiver, l'été, on va pas fonctionner de la même manière. Par exemple, les volets, on va les fermer certains l'hiver. Mmh. Pas des salles, il y a peut-être une cheminée intérieure pour les grandes pièces. Il faut conserver cette chaleur. Alors, il faut imaginer effectivement une vie qui va se dérouler dans une pénombre, dans ces périodes hivernales. Ouais. Et l'été, c'est beaucoup plus lumineux. Nous poursuivons notre voyage dans le temps en explorant le chantier de construction du château fort de Guédelon, le temps d'un bivouac médiéval sur France Inter. Moi coule telle une rivière. C'était Clément Froissart, Amour Armure sur France Inter. Bonjour. Ça vous dérange pas ? Non, pas du tout. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Fabrice, mais tout le monde m'appelle Loulou ici. Loulou ? Voilà, c'est un surnom depuis 15 ans déjà. Et alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je suis en train de faire une cuisson de calcaire pour obtenir de la chaux. Alors la chaux, c'est le liant dans le mortier. Donc, en les mélangeant au sable pour faire le mortier de qu'on appelle de parement pour coller les pierres. Donc sans chaux, pas de château ? Pas de château. Et vous y êtes depuis combien de temps ? Parce que le chantier est à peine ouvert, là ? Ça va faire 24 heures. Vous avez passé la nuit ici, en train de cuire de la chaux ? Pas moi, on a fait les équipes, parce qu'il y a encore 48 heures de cuisson. Alors, ça brûle à combien de degrés ? Parce qu'on a très chaud, là, quand même. Il fait très très chaud, là, on va être entre 800 et 1000 degrés. Je vais recharger. Et Loulou, ça fait combien de temps que vous êtes à Guédelon, vous ? 15 ans, cette année. Bon, j'ai commencé comme guide, mais il n'y a pas des visites tout le temps, donc j'ai fait un peu de maçonnerie, puis maintenant c'est plus l'inverse. Et vous n'êtes jamais parti en 15 ans ? Et non. Pas de pause, rien ? Non. Toujours à Guédelon, pourquoi ? Pour la passion. On pose une pierre, une autre, puis on continue, on se prend au jeu. C'est jamais la même pierre qu'on pose, on fait jamais la même chose, vraiment. Je décale un peu, parce que ça chauffe. Fabrice, alias Loulou, pris au jeu de la construction de ce château fort de Guédelon, tout comme nos invités Anne Beau, archéologue, Florian Renucci, maître d'œuvre du chantier de Guédelon, et Marilyn Martin, cofondatrice de Guédelon. Alors, c'est intéressant, la chaux, hein, c'est très utile, ça fait partie des matériaux pour la construction. Florian Renucci, le maître d'œuvre. La chaux aérienne, c'est tout simplement le lion qui a construit tout le patrimoine, depuis, en tout cas, diffusé par le monde romain, dans le monde occidental et aussi moyen-oriental, hein, jusque, on va dire, à la moitié du 19e siècle, jusqu'à ce qu'apparaissent effectivement les liants hydrauliques et les ciments. Mmh. Donc nous, à Guédelon, depuis le début, on travaille avec de la chaux aérienne, du calcaire, de la pierre cuite, et qui a des propriétés qui vont se mêler avec les sables du site. Ouais. Anne Beau, ces propriétés de la chaux vous intéressent en tant qu'archéologue ? Elle m'intéresse particulièrement parce que depuis 2-3 ans, je sais plus exactement quand, donc il y a des on a testé à Guédelon donc des fours à chaux, c'est-à-dire qu'on a construit son propre four à chaux. Alors en archéologie, on en retrouve des fours à chaux, mais c'est totalement dérasé, donc c'est le négatif d'un four à chaux. Il y a des traces, mais comment ? Et puis ensuite, il y a des petits croquis qui sont faits à partir de là, donc on restitue virtuellement. Mais en fait, il y a tout un procédé qui nous manque. Alors ensuite, d'expérimenter un véritable four à chaux avec des réussite ou des échecs au départ, puis ensuite de mieux travailler en fait la cuisson, la pierre, ça donne un certain nombre de réponses qui est absolument primordial, qui évite ensuite de dire des bêtises en cours par exemple. Voilà, ça permet effectivement d'éviter de raconter des bêtises, en tout cas d'en dire un peu moins. Hein. Mais alors cette chaux, elle vous sert, vous avez tout un tas de recettes, selon si vous la mélangez avec une certaine quantité de sable, elle va vous servir soit à faire de la jointure entre les pierres, ou plutôt à poser les carrelages, ou à faire des vêtements sur le mur, c'est un peu le matériau à tout faire, ou en tout cas à faire beaucoup, Florian Renucci. On fait tout avec. Et ça fait que les maçons étaient de véritables ingénieurs du bâtiment, avec cette culture où ils arrivaient à trouver des sables, à trouver des adjuvants, par exemple, pour fabriquer une citerne, pour faire prendre plus rapidement un mortier de chaux aérienne, eh bien, il y a des recettes de tuiles ou de briques pilées qui vont permettre de prendre même en milieu humide. Tout ça, c'est des choses qui sont mises au point par le monde romain. Donc, on parle là du 1er, 2e, 3e siècle et qui sont utilisées tout au long du Moyen-Âge, je vous dis, jusqu'au 19e siècle. Avec des propriétés, moi, qui m'ont paru assez extraordinaires, c'est que cette chaux met énormément de temps à complètement sécher. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la jointure des pierres dans ces murs très épais, parfois il faut plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles, pour que cette chaux sèche complètement. Ce qui permet au bâtiment de s'ajuster un peu au fur et à mesure de sa construction, c'est très pratique. Oui, c'est la souplesse qui fait que la pierre tenue par des joints de chaux, vous savez... Notre-Dame de Paris, avec ce qu'elle a subi, vous voyez un édifice qui est construit entièrement avec une alternance de joints au mortier, de chaux aérienne, de pierre, joints. C'est un bâtiment souple, qui est capable d'encaisser des choses parfois hardes. Il y a des édifices qui ont résisté dans la Deuxième Guerre mondiale à des bombes, parce que la souplesse de leur structure de pierre et de chaux ont permis tout simplement de fléchir comme le roseau mais de ne pas casser. Ouais. C'est la grande différence avec les ciments. Et autre propriété importante de la chaux, elle laisse respirer les murs. C'est-à-dire que les immeubles en pierre de centre-ville, ben, depuis les années 50, ils sont restaurés avec du ciment qui les rend inhabitables. On ne peut plus placer un papier peint dans une maison en pierre qui a été cimentée de l'extérieur et de l'intérieur. Le mortier de chaux aérienne permet à l'humidité de sortir du mur. Et c'est ça qu'on utilise depuis 20 ans. À Guédelon en permanence. Une fois le gros œuvre fait, il faut décorer, colorer. Alors avec quelle peinture, comment obtenait-on les pigments il y a 7 siècles? Réponse de Valérie Lachenie. Alors, l'hématite, c'est une pierre. C'est une pierre qui est très lourde parce qu'elle est très riche en oxyde de fer. Dans la carrière de pierre, elle est plus dure, plus concentrée encore en oxyde de fer. Et dans l'argile du tuilier, ça va être sous forme de petites pierres, plus tendres. Est plus facile à réduire en poudre. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Dans un mortier, à l'aide d'un pilon, le but du jeu, ça va être de casser la pierre. Donc on ne voit pas, avant de l'avoir cassée, la couleur qui est à l'intérieur. Ça va être réduit en poudre très fine pour pouvoir être transformé en peinture. Alors là, je mets de l'ocre jaune dans la poêle qui est très chaude. Et tout de suite, ça commence à changer au fur et à mesure où l'eau change, où l'eau va s'évaporer. Donc on va passer d'un jaune à l'ocre rouge qu'on trouve le plus fréquemment dans les peintures murales. C'est vraiment une des couleurs de l'époque qui est beaucoup utilisée. Voilà donc les explications de Valérie Lachenie qui ne fait pas uniquement ses pigments et ses peintures. Hein. Ensuite, elle a fait des très beaux dessins, des très belles décorations dans ce château. Les châteaux médiévaux étaient colorés, Marilyn Martin. Tout le Moyen-Âge était coloré. Assez de ce Moyen-Âge que tout le monde pense sombre. Cette période du XIIIe siècle, elle est, on se marie en rouge. Il n'y a pas un chantier archéo où on n'a pas retrouvé des traces de couleurs, que ce soit les cathédrales étaient peintes, les pans de bois étaient peints, la couleur était omniprésente, on était sur quelque chose. Et ces pigments-là, alors moi j'ai attendu 10 ans pour avoir ça sur le chantier, parce que il y a un moment on pouvait pas parler de couleurs quand on était encore dans les fondations du château. Mais j'avoue que c'est vraiment le scoop de Guédelon. Moi c'est ce qui m'émeut complètement. Valérie est quelqu'un qui a un talent fou. Et c'est encore une aventure collective. C'est parce que aux quatre coins du chantier, le carrier, celui qui fait des tuiles, etc., savent quand ils extraient l'argile, la pierre. Ils sont avec des paniers et ils vont donner l'ocre jaune, l'ocre rouge, les sables orangés. Même, vous savez, là où il y a eu un feu sur le chantier, c'est une terre colorante qu'on va prendre, que Valérie va traiter et on gardera les fines et on va garder les pigments. Mmh. Et là, quand on voit ce qu'on a réussi à faire et d'avoir ces 15 couleurs, c'est vraiment l'émotion incroyable. Alors, quelles couleurs on trouve et quels sont les dessins qui sont effectivement très beaux? Alors, les dessins que nous, on reprend dans le château, on n'est pas parti sur les dessins sacrés. On a énormément de peintures murales dans notre région de Lyon. Entre autres, cette petite chapelle de Moutier à 6 km de chez nous, avec vraiment des peintures murales contemporaines de Guédelon. Nous, on a décidé de prendre des frises qui pourraient très... on pourrait penser qu'elles viennent des années 70. Hein. Mm-hmm. C'est des grosses fleurs, peace and love, etc. C'est très naïf, mais c'est toujours jaune, orangé, avec différentes nuances de rouge. C'est très coloré, très vif. Et je pense que les peintures murales aussi, c'est aussi une façon... C'était un peu la bande dessinée du Moyen-Âge. On racontait les périples, on racontait l'histoire, on racontait la Bible, on racontait, c'était la bande dessinée. Vous allez nous dire dans un instant quelles sont les réalisations en projet sur le chantier de Guédelon et puis vous répondrez aux questions que les auditeurs vous ont adressées sur franceinter.fr et notre page Facebook. Lenita, Lenita, inévitable, vital. Je pensais toujours au PES que j'arrive pas à gagner. Aujourd'hui c'est la même, mais mon esprit est en paix. Depuis que je suis avec toi, depuis que je suis avec toi, avec toi. Je regarde plus jamais l'heure, sauf pour savoir quand t'arrives. T'es la seule chose dont j'ai peur, la première place dans mon cœur. Mais je suis trop bien avec toi. Avec toi, mais je suis trop bien avec toi. Avec toi. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et oh comme ça, regarde tout droit. Je suis un idéaliste. Je peux pas cacher tout le mal par le bien que je réalise. Mais je nous vois dans le temps, plus avec toi qu'en solo. J'ai compris que c'était bon le jour où tu m'as fait la bise. Depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Et depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, toi, toi, toi, toi. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et oh comme ça, regarde tout droit. C'était Soleil de Roméo Elvis sur France Inter. Bah, nous allons visiter le château de Guédelon. Bah, en fait, c'est un château, il est en train de se construire et puis c'est des outils des hommes préhistoriques. Ah, peut-être pas des hommes préhistoriques quand même. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'utilisent pas de... Des outils comme nous. Voilà, des outils comme nous, des outils modernes. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien de tout cela. Moi, je dis que c'est courageux parce que c'est du travail à faire. Bon, faut que vous y alliez là, on vous appelle pour la visite. Marilyn Martin, cofondatrice de Guédelon, effectivement, ce château se visite, pas toute l'année, mais une bonne partie de l'année, de quel mois à quel mois ? Oh, du mois d'avril au fin octobre. Et oui, c'est 300 000 personnes qui viennent visiter chaque année Guédelon, et c'est 60 000 enfants dans le cadre de leur visite scolaire qui sont organisées cycle par cycle, avec aussi une immersion, atelier de géométrie, atelier de taille de pierre. Et oui, c'est un vrai succès. C'est ce qui finance d'ailleurs notre aventure. Ouais. C'est un aspect qu'on n'a pas abordé, mais la dimension pédagogique et la dimension de transmission de ce savoir, évidemment, ça fait partie du projet. C'est pour ça aussi que le chantier n'avance pas toujours très très vite, parce qu'il y a des visiteurs en permanence. Oui, chaque ouvrier de Guédelon est à la fois, par exemple, tailleur de pierre et animateur socio-culturel. C'est-à-dire qu'il a vraiment cette double casquette de transmettre oralement, il y a une époque où on est beaucoup sur le virtuel. Nous, on est vraiment dans l'oralité. Nos réunions de chantier avec Florian se font dans l'oralité aussi. On a tous les ouvriers, on leur donne le programme de travail, etc. Il n'y a pas de notes de service. Et je crois que c'est ce qui fait aussi que l'avenir de Guédelon se dirigera aussi vers cette logique de transmission. Mmh. Alors, vous avez dit, c'est ce qui permet de financer le projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce projet est entièrement autofinancé. Il n'y a pas de subvention qui vous aide à construire ce château. Oui, oui. Depuis 2000, le chantier s'autofinance totalement par les visiteurs, la boutique du chantier, les restos. Mmh. Quelles sont les prochaines réalisations prévues pour le chantier, Florian Rinucci ? Alors là, on est dans une période magnifique où on est en train de de mettre donc des lattes sur la charpente en poivrière de la tour de la chapelle. Et dans les semaines qui viennent, ces lattes vont être garnies de tuiles gironnées. Donc, alors qu'est-ce que c'est ça, une tuile gironnée? Eh ben, c'est des tuiles trapézoïdales qui vont couvrir la partie arrondie de la toiture de la tour. Et elles ont été fabriquées depuis 2 ans par le tuilier. Et là, on les pose enfin. Donc, vous allez voir la transformation de la couleur de cette charpente, bah, qui très vite, pour la fin de saison, sera entièrement couverte et qui nous permettra à l'avenir donc de faire de la finition sur les différentes pièces qui sont dessous. Bien sûr, dans le même temps, on est en train de terminer une voûte à croisée d'ogives sur l'une des tours portes qui encadrent la porte, la tour ouest. Et l'année prochaine, on fera et on terminera la croisée d'ogives de l'autre tour. Donc deux missions pour cette construction et pour cette saison. Des questions d'auditeurs. Charlie vous demande, peut-on trouver localement du bois en quantité suffisante pour construire et vivre dans un château du XIIIe siècle? Autrement dit, est-ce que le bois qui entoure ce château suffit pour la construction et pour faire les feux dont ont besoin tous les artisans? J'ai envie de dire que c'est oui, parce que alors deux choses. D'une part, les charpentes du médiéval et les charpentes qu'on construit à Guédelon sont des charpentes de petite section. Donc nous, on a l'habitude de pas du tout taper, sélectionner les gros bois de nos forêts. On prend les petites sections et quand on n'en a pas, on va les chercher chez les voisins d'à côté. Et par contre, quand on abat un arbre, il n'y aura rien de perdu. C'est-à-dire les branches et alors il y aura le fût. Mmh. Après, les liens courbes seront pris dans des grosses branches de l'arbre et ensuite le reste de l'arbre sera débité pour faire ou du tavaillon de bois ou l'écorce pourra faire des tanins jusqu'à la gale de chêne qui va nous servir à faire de l'encre. Donc effectivement, chez nous, quand rien n'est perdu. Loulou vous demande, vous qui avez construit les charpentes d'un château du XIIIe siècle, le travail du bois à Guédelon serait-il utile à la reconstruction de Notre-Dame? Vous demande Loulou. Florian Renucci. Eh ben, la charpente du logis de Guédelon, c'est une charpente à chevron formant ferme, où toutes les pièces de bois ont été prises dans le cœur du chêne, travaillées par les bûcherons et charpentiers à la hache et équarrie, c'est-à-dire qu'on va suivre les courbures naturelles des fibres sans les briser. Tout s'est fait à partir d'une documentation faite par des spécialistes des charpentes médiévales et dépositaires finalement de ce savoir-faire qu'on a su recréer. On est bien sûr à disposition du chantier et apte à pouvoir former des professionnels pour qu'ils puissent effectivement travailler à partir d'arbres, de grumes, de chênes, pour un travail respectant l'identité même de ce qu'est le gothique et les charpentes des cathédrales. Mais est-ce que vous avez été contacté? On sent que vous êtes partant pour participer, mais est-ce que vous avez été contacté très rapidement? On a été souvent sollicité depuis cet incendie. Et je pense que là, nous, on peut intervenir pour former les gens à travailler le bois vert. Mmh. Au Moyen-Âge, on travaille le chêne vert. Mmh. Alors, dernière question, Jérémy. Que deviendra ce château fort lorsque sa construction sera terminée? Marie-Lyne. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un château terminé? Là, on va commencer. Je pense que, tel qu'on en a parlé, on a peut-être encore une dizaine d'années pour terminer ce qu'on appelle le gros œuvre. Après, il y aura la seconde œuvre, les peintures murales, les fresques, les enduits, etc. Les fenêtres, on en a parlé, les portes, etc. Puis ensuite, il y aura mobilier. Donc, je crois que pour le moment, on est parti sur une histoire sans fin. Et c'est aussi les rencontres qui feront que le chantier ira dans une direction ou dans une autre. L'humain est quand même omniprésent dans cette aventure. Et finalement, l'idée que ce chantier est une histoire sans fin vous plaît énormément. Vous avez commencé il y a 21 ans et vous avez envie de la continuer tout au long de votre vie. Oui, c'est tellement bien dans cette société d'avoir une histoire qui ne s'arrête pas. À visiter donc le chantier du château de Guédelon à une trentaine de kilomètres d'Auxerre. Nous allons mettre un lien avec toutes les informations sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr. Merci Marie-Lyne Martin, Florian Renucci et Anne Beau de nous avoir emmenés dans ce bivouac médiéval. Merci à tous les trois. Nous allons quitter le Moyen-Âge pour le siècle des Lumières dans la deuxième heure. Nous allons revenir sur une expédition maritime mythique celle de la boussole et de l'astrolabe emmenée par Jean-François de la Pérouse, à qui Louis XVI avait confié la mission d'aller explorer les contrées inconnues à l'autre bout du monde. Une expédition qui finira tragiquement au terme d'un périple de 3 ans. Les deux navires disparaîtront dans un naufrage au large d'une petite île perdue dans l'océan Pacifique. Que s'est-il passé pendant ces 3 années, l'expédition qui ont précédé le naufrage? Nous allons vous la raconter avec l'historien voyageur Bernard Jimenez.